la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. En 1985, la seconde des émissions par lesquelles l'atelier de création radiophonique rendait hommage à Roger Blin, après sa disparition l'année précédente, cette seconde émission donc était consacrée tout entière à l'aventure théâtrale née de la rencontre Samuel Beckett-Roger Blin. Une émission qui s'ouvrait par une dédicace de Beckett à Roger Blin, par laquelle il disait au comédien sa dette incalculable envers lui. Un ACR qui racontait l'histoire d'une amitié, d'une complicité intellectuelle et artistique, au cours de laquelle Roger Blin expliquait notamment comment il avait abordé, en attendant Godot, la première de ses mises en scène de Beckett, dans un état d'humilité active qu'il disait toujours être le sien vis-à-vis des auteurs qu'il montait. Atelier de création radiophonique, fragment Roger Blin, seconde partie, Blin-Beckett, une émission diffusée la première fois le 3 février 1985 sur France Culture, avec de nombreux extraits d'enregistrement des pièces de Beckett et la lecture des souvenirs et des propos de Roger Blin qu'avait recueilli Linda Bellitti-Peskin pour son Roger Blin, paru chez Gallimard en 1986. Ma rencontre avec Roger Blin a été une des grandes chances de ma vie. En recevant in extremis et à bras ouverts une pièce dont personne ne voulait, il m'a débarré la porte vers l'aventure. Plus qu'un secours, une délivrance. À l'homme de théâtre et au cher ami, ma dette est incalculable. Samuel Beckett. ACR, Atelier de création radiophonique. Fragment, Roger Blin. Deuxième partie, Blin, Beckett. Par René Farabé, Ida Guilbeault. Roger Blin, 1907-1984. Document d'archives. Ina, Samuel Beckett. En attendant Godot. 1953. Fin de partie. 1957. Tous ceux qui tombent. 1957-1958. Acte sans parole. 1957. La dernière bande. 1960. Esquisse radiophonique. 1962-63. Oh les beaux jours. 1963. Bing. 1967. Cendre. 1959. Compagnie, 1980. Avec Hermine Caragueuse, Madeleine Renaud, Delphine Seyrig, Roger Blin, Jean Martin, Lucien Rimbourg, Pierre Latour, Raymond, Hergé Chauffard. Conversation avec Roger Blin par Linda Peskin. Apparaître aux éditions Gallimard. Entretien, Jean Paget, Harold Portnoy, Leif Olson. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Marie-Ange Garandeau, Marie-Vonne Noël, Bruno Rancière. Fragment, Roger Blin. Deuxième partie, Blin, Beckett. Charbonne soirée. Inoubliable. Mais j'ai pas fini. On dirait que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. Ouais, au spectacle. Au cirque. Au musical. Au cirque. Où est-ce donc mis ma bruyère? La nuit viendra-t-elle jamais? Vous ne tenez pas à partir avant. C'est-à-dire, vous comprenez? Et c'est tout naturel, c'est tout naturel. Moi-même à votre place, si j'avais rendez-vous avec un godin, godet, godot, enfin vous voyez qui je veux dire, j'attendrais qu'il fasse nuit noire avant d'abandonner. J'aimerais bien me rasseoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Puis-je vous aider? Si vous me demandiez, peut-être. Quoi? Si vous me demandiez de me rasseoir. Ça vous aiderait? Il me semble. Allons-y! Rasseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Non, non, ce n'est pas la peine. Insistez un peu. Mais voyons, ne restez pas debout comme ça, vous allez attraper froid. Vous croyez? Mais c'est absolument certain. Vous avez sans doute raison. Oh. Merci, beau cher. Me voilà réinstallé. Mais il est temps que je vous quitte, si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça, tout ce que vous voulez, mais pas ça. Il voit tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Voulez-vous que je vous le dise? Je veux bien vous satisfaire. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Ah, bête. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Il ne vaut plus rien, ce fouet! Qu'est-ce que je disais? Ne restez pas debout comme ça, vous avez attrapé la crève! C'est vrai. Comment vous appelez-vous? Catulle. Ah oui, la nuit! Mais soyez donc un peu plus attentifs, sinon nous n'arriverons jamais à rien! Regardez. Veux-tu regarder le ciel, pas? Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? En tant que ciel, il est pâle et lumineux comme n'importe quel ciel à 7 heures de la journée, dans ses latitudes, quand il fait beau. Il y a une heure environ, après nous avoir versé depuis bientôt 10 heures du matin, sans faiblir des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat. À pâlir toujours un peu plus, jusqu'à ce que flan fini, il ne bouge plus. Mais, derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope et viendra se jeter sur nous, comme ça, au moment où nous nous y attendrons le moins. C'est comme ça que ça se passe, sur cette putain de terre. Du moment qu'on est prévenu. Une inquiétude à avoir. On sait à quoi s'en tenir. On peut patienter. Il n'y a qu'à attendre. Nous en avons l'habitude. Comment m'avez-vous trouvé? Bon. Moyen, passable, quelconque. Franchement mauvais. Ah! Oh, très bien. Oh, tout à fait bien. Et vous, monsieur? Oh, très bon. Très, très, très bon. Oh, merci, messieurs. J'ai tant besoin d'encouragement. J'ai un peu faibli sur la fin. Vous n'avez pas remarqué? Peut-être un tout petit peu. J'ai cru que c'était exprès. C'est que ma mémoire est défectueuse. Attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez? Plutôt. Et vous, monsieur? Oh, c'est pas folichon. Que préférez-vous? Qu'il danse, qu'il chante, qu'il récite, qu'il pense? Qui? Qui? Vous savez penser, vous autres? Il pense. Parfaitement, on le voit. Il pensait même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant... Enfin, tant pis. Alors, vous voulez qu'il nous pense quelque chose? Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Il ne peut pas penser sans chapeau. Donnez-lui son chapeau. Moi, pour le coup qu'il m'a fait, jamais. Mais je vais lui donner, moi. Il aille le chercher. Il vaut mieux le lui donner. Je vais lui donner. Il faut le lui mettre. Et puis de le prendre. Il vaut mieux le lui mettre. Je vais le lui mettre. Qu'est-ce qu'il attend? Éloignez-vous. Pense pas! Arrête! Avance. Là. Pense. D'autre part pour ce qui... Arrête! Arrière. Là. Et... Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poisson et Wattman, d'un dieu personnel, quoi, à barbe blanche, quoi, en du temps de l'étendue qui du haut de sa divine apathie, sa divine acambie, sa divine aphasie nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra, et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui s'entendent, c'est pourquoi, mais on a le temps dans le tourment, dans les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter, mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir porteront leur ferro lucie bleu par moment encore aujourd'hui, et calme, si calme, d'un calme qui pourrait être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu, mais n'anticipons pas, et attendu d'autre part qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas, des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la académie d'anthropométrie de Bernan, presse de testuer, connard. Il est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains, qu'à la suite des recherches inachevées de testuer, connard, il est établi, ce qui suit, à savoir, mais n'anticipons pas, on ne sait pourquoi à la suite des travaux de Poisson et Wattman, il apparaît aussi clairement, si clairement, qu'au vu des labeurs de Fartoff et Belcher, inachevé, on ne sait pourquoi de testuer, connard, inachevé, il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme en presse de testuer, connard, que l'homme enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir, et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique des sports, tel, le tennis, le football, la course et à pied, la bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la connexion, le tennis, le camogie, le patinage, sur glace, sur asphalte, le tennis, l'aviation, les sports divertis, d'automne, le tennis sur gazon, sur sa place, sur terre battue, l'aviation, le tennis, le hockey, sur terre, sur mer et dans les airs, la pénicilline, le sud, ces années, bref, je reprends en même temps parallèlement de rapetition, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, je reprends l'aviation, le golf, tant à l'esprit, le tennis sur glace, bref, on ne sait pourquoi, en sec, c'est les oises, c'est les marmins, les oises, à savoir en même temps parallèlement de maigrir, rétrécir, je reprends, moi, bref, la perte sèche par tête de pipe depuis la mort de Voltaire étant de l'ordre de 200 grammes par tête de pipe environ en moyenne à peu près, bon point chiffre en déshabillant Normandie, on ne sait pourquoi. Bref, enfin, peu importe, les faits sont là. Et considérant d'autre part ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences en cours de Steinweg et Peterman, il ressort ce qui est encore plus grave, qu'il ressort ce qui est encore plus grave, qu'à la lumière des expériences abandonnées de Steinweg et Peterman, qu'à la campagne, à la montagne, au bord de la mer et du cours d'eau et de feu, l'air est le même, et la terre, à savoir l'air et la terre par les grands froids, l'air et la terre fait pour les pierres par les grands froids, et là, au septième de leur ère, les terres, la terre, la mer pour les pierres, pour les grands fonds, les grands froids sur mer, sur terre et dans les airs peu chers. Je reprends, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, les faits sont là, on ne sait pourquoi. Je reprends en suivant, bref, enfin, hélas, pour les pierres, qui peut en douter. Je reprends, mais n'anticipons pas, je reprends la tête. En même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré le tennis, au suivant, la barbe, les flammes, les pleurs, les pierres, si bleu, si calme, hélas, la tête en Normandie. Malgré le tennis, les labeurs abandonnés, inachevés, plus grave. Les pieds inachevés. Son chapeau. Je suis vengé. Donnez-moi ça. Comme ça, il ne pensera plus. Mais va-t-il pouvoir s'orienter? C'est moi qui l'orienterai. Debout, Paul. Il est peut-être mort. Vous y allez le tuer. Debout, charogne. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soulevez-le. Je vais vous quitter. Votre savonnette! J'ai dû la laisser au château! Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Et merci. Merci à vous. De rien. Merci. Mais non. Mais si. Mais non. Je n'arrive pas à partir. C'est la vie. Oh, vous prenez le mauvais sens. Il me faut de l'élan. Écartez-vous. Allons. Allons. Mon pliant. Adieu. Adieu. Samuel Beckett, En attendant Godot, 1953. Roger Blin, Jean Martin, Lucien Rimbourg, Pierre Latour. Je ne sais pas, beaucoup de gens ont vu que c'était enfin la grande pièce chrétienne, n'est-ce pas? Alors que justement ce nom de Godot vient de God, est une dérision. Ça représente l'espoir, ce qui permet de pousser la vie de 5 minutes en 5 minutes. Comme ça. Et c'est ce qui se passe sur scène. Ce sont des gens qui essaient de tromper l'attente, de tromper le temps, n'est-ce pas? Alors ils s'inventent des espèces de jeux qui ratent et qui les poussent de 5 minutes en 5 minutes. Et puis après, c'est la retombée dans l'ennui, dans l'angoisse, etc. En fait, j'ai essayé de monter Godot comme c'était écrit. Je n'ai pas voulu faire d'interprétation personnelle. Nous avons trouvé avec les acteurs, en répétant, beaucoup de gags. Pas de gags hors de l'esprit de Beckett. J'ai une espèce de maxime comme ça, d'être, vis-à-vis des auteurs, en état d'humilité active. Je ne suis pas passif complètement vis-à-vis des choses. J'essaie d'aller dans le sens de l'auteur, de le pousser dans ses derniers retranchements. C'est un terme militaire. De le pousser jusqu'à ce qu'il devienne du sur-Beckett, mais dans son sens à lui. On prend trop de peine et trop de temps à chercher les significations des Beckett, alors que le principal, je crois que c'est la forme, les questions de langage. Bon, il constate une certaine horreur de vivre, comment la décrire? Et alors je crois que sa recherche fondamentale est une recherche de langage. Et il m'a souvent dit que s'il admirait Shakespeare, par exemple, il aimait beaucoup mieux Racine. Il se sentait beaucoup plus près de Racine. Il est lui-même très très jaloux de sa propre prose, de cette syntaxe, n'est-ce pas? Et je crois que ce qui lui fait le plus plaisir, n'est-ce pas, quand on interprète ses œuvres, c'est que cette syntaxe soit mise à jour avec tous les points, n'est-ce pas, ces phrases généralement courtes, séparées par des points, même phrases constituées par un seul mot, n'est-ce pas, et qui font une architecture verbale. Et ce sera que, je crois que c'est ce à quoi il tient le plus, n'est-ce pas, c'est qu'on respecte cette architecture verbale qui est musicale. C'est la ponctuation qui donne le sens. Il y a dans les textes de Beckett des phrases que l'on peut dire d'une seule traite, que les comédiens sont tentés de dire d'une seule traite, mais qui sont entrecoupées de points qui font évoluer le sens de la phrase vers autre chose, si l'on respecte cette ponctuation. C'est la quantité de points et leur place dans les phrases qui donnent le rythme et la respiration du texte. Mais chez Beckett, le point a un rôle supplémentaire dans la phrase. Il organise le sens. Ce qui est dit après le point va en général dans le sens de la négation de ce qui précède, et une autre phrase arrive, qui nie encore, ou change sensiblement le sens jusqu'à la chute. Ce dialogue qui est totalement journalier, comporte entre les lignes un monde entier. Et il arrive que la rencontre de ces banalités, de ces phrases toutes faites, explose dans quelque chose de très déchirant. Parce que à peu près chaque mot comporte sa critique, comporte sa propre parodie. Et c'est ainsi que le rire et les larmes sont absolument mêlés, je ne dis même pas dans la phrase même, mais dans les mots. Il y a une immense part de vérité humaine, et puis une cruauté extraordinaire, et dans l'ordre formel, une économie de moyens qu'on cherchera en vain ailleurs. Et même des mots sans verbe sont balancés, c'est pas comme Poèmes. Comme des poèmes. Beckett disait « Godot, c'était un western endiablé » et avait conçu fin de partie un peu comme une partition musicale. Il était ami à cette époque de Ger van Velde et de son frère Bram van Velde, tous les deux hollandais. Ger était un peintre dans la lignée de Mondrian. Beckett avait écrit fin de partie comme un tableau de Mondrian, cloisonné géométriquement. Beckett exigeait, pendant les répétitions, que les comédiens donnent le texte comme un instrument joue des notes de musique, reproduisant fidèlement la même note. Ainsi, je devais appeler Clove plusieurs fois pendant le spectacle et Beckett concevait cet appel comme une note de la partition que je devais reproduire sans me préoccuper de la place de cette note dans l'évolution dramatique du personnage. Je n'ai jamais pensé que fin de partie doive être montée comme un terrible suspense, mettant en haleine les spectateurs. Pourtant, il me semble que Beckett n'a pas non plus écrit là une partition de musique indienne répétitive et que la situation des personnages n'est pas la même au début et à la fin de la pièce. Beckett a mis 10-12 ans avant d'admettre qu'il se passait quelque chose dans fin de partie, qu'on attendait quelque chose. Partira-t-il ? Ne partira-t-il pas ? Il y a une accumulation de choses. Et pour lui, c'était égal. Il pensait que c'était des notes de musique. Beckett se moquait de moi. Il disait « Il n'y a pas de drame du tout dans fin de partie. Dès que Clove a dit sa première réplique, « Fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas. » Il ne se passe plus rien. Il y a un remuement vague, il y a un tas de mots, mais il n'y a pas de drame. Beckett pensait que c'était des notes de musique. Évidemment, jouer la colère, le rire, mais uniquement la colère et le rire qui se succèdent comme ça, qui sont coupés net, comme un tableau abstrait, géométrique. Il me disait, vous êtes en sueur, vous transpirez, vous vous donnez un mal terrible. Vous jouez, mais ce n'est pas la peine. Il suffit de dire le texte. Samuel Beckett, fin de partie, 1957. Roger Blin, Jean Martin. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine. Il y avait un gros bobo. Tu as vu ton cœur ? Non, c'était vivant. Clove! Clove! Qu'est-ce que c'est? On n'est pas en train de signifier quelque chose? Signifier! Nous, signifier! Elle est bonne! Je me demande, une intelligence revenue sur Terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer? Ah bon, je vois ce que c'est, oui, je vois ce qu'ils font. Et même sans aller jusque-là, nous-mêmes par moments... Dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. J'ai une puce. Une puce? Il y a encore des puces. À moins que ce ne soit un morpion. Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer. Attrape-la, pour l'amour du ciel. Je vais chercher la poudre. Une puce. C'est épouvantable. Quelle journée. Fin de partie, en 57. C'est un enfoncement. C'est un enfoncement encore plus grand. N'est-ce pas, les quatre personnages dans Nathan et dans Godot bougeaient, pas, tandis que dans fin de partie, il y a déjà cette notion d'immobilité et cette notion d'enfouissement. le personnage principal est dans un fauteuil, il est infirme, vieux, aveugle. Et tous les mouvements qu'il peut faire, c'est sur son fauteuil roulant, poussé par un domestique qui peut être un fils adoptif, qui est lui-même assez malade, mal en point, et qui marche difficilement. Et ce vieillard a ses parents encore, qui sont dans des poubelles. Âme à Clough. Un jour, tu seras aveugle, comme moi. Tu seras assis quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours dans le noir, comme moi. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j'ai faim, je vais me lever et me faire à manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j'ai eu tort de m'asseoir, mais puisque je me suis assis, je vais rester assis encore un peu, puis je me lèverai, je me ferai à manger. Mais tu ne te lèveras pas, et tu ne te feras pas à manger. Tu regarderas le mur un peu, puis tu te diras, je vais fermer les yeux, peut-être dormir un peu, après ça ira mieux, et tu les fermeras. Et quand tu les rouvriras, il n'y aura plus de mur. L'infini du vide sera autour de toi. Tous les morts de tous les temps ressuscités ne le combleraient pas. Tu y seras comme un petit gravier au milieu de la steppe. Oui, un jour tu sauras ce que c'est. Tu seras comme moi. Sauf que toi, tu n'auras personne. Parce que tu n'auras eu pitié de personne et qu'il n'y aura plus personne de qui avoir pitié. Fin de partie est extrêmement difficile à jouer. Parce qu'il faut une tension et une décontraction à la fois. Dans la mesure où les jambes sont immobiles et on ne peut pas jouer avec les yeux. Par conséquent, il n'y a aucun exploit sportif à faire. Et qui fait tellement de bien quand on joue des choses endiablées. À la fin, on transpire, on est bien. On a fait son devoir. Fin de partie. Je sais qu'un grand comédien comme Alec Guinness refusait de le jouer parce qu'il ne pouvait pas jouer avec les yeux. On ne voyait pas ses yeux. Alors moi, j'essayais de mettre des yeux blancs, mais si on tourne, je mettrais des verres de contact, probablement rouges. Quand Ham dit « Tu as vu mes yeux ?»« Oui, ils sont blancs, n'est-ce pas ?» Il y en a qui l'ont fait avec d'autres lunettes. Moi, une fois, je l'ai fait avec mes lunettes de glacier. Mais elles m'encombraient trop le visage. Jouer les yeux fermés, c'est très difficile. Clove. Tu sais une chose? Je n'ai jamais été là. Clove. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais été là. Tu as eu de la veine. Absent toujours. Tout s'est fait sans moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé, toi? Clove! Tu veux que je regarde cette ordure, oui ou non? Réponds d'abord! Quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Où? Quand? Quand ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut foutre? Moi, je ne sais pas. Quand j'ai lu fin de partie, j'ai tout de suite pensé au thème de la mort des rois, thème shakespearien par essence. J'ai vu Ham comme un personnage très autoritaire, très égoïste, possédant un pouvoir absolu de vie et de mort sur ses parents et sur Clough. Entre Ham et Clough, bien sûr, les relations sont similaires à celles qui unissaient Pozzo et Lucky. Ham, comme Pozzo, est une grande gueule. Mais il est très vulnérable, très malheureux. Il a besoin de Clough, qui, comme Lucky, se rend compte de son pouvoir et en use aussi cruellement pour se venger. Dans les deux pièces, c'est l'inversion des pouvoirs qui constitue ce que tout de même on peut appeler drame. Nous voyons deux êtres qui se déchirent, jouent une partie comme une partie d'échecs, et ils marquent des points l'un après l'autre. Mais celui qui bougeait, n'est-ce pas, a peut-être une plus grande chance de s'en tirer. Seulement, ils sont liés. organiquement, n'est-ce pas, par une espèce de tendresse qui s'exprime avec beaucoup de haine, des sarcasmes et tout un jeu, n'est-ce pas? Alors, oui. Par conséquent, il y a dans cette pièce, n'est-ce pas, qui est sur un niveau théâtral absolument direct, n'est-ce pas, où il n'y a pas d'immenses symboles à chercher, où le style est d'une absolue simplicité, il y a cette espèce de jeu qui se font l'un à l'autre et qui se termine aussi d'une façon ambiguë, parce que le suspense dérisoire de la pièce, s'il y a suspense, c'est ce fils, Clove, partira-t-il ou non? Et on ne le sait pas jusqu'à la fin. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça, si tu veux qu'on se lasse de te punir un jour. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu sois là mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir un jour. Mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne partirai donc jamais. Puis un jour, soudain, ça finit, ça change, je ne comprends pas, ça meurt, ou c'est moi, je ne comprends pas, ça non plus. Je le demande aux mots qui restent, sommeil, réveil, soir, matin, ils ne savent rien dire. J'ouvre la porte du cabanon et m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds si j'ouvre les yeux, et entre mes jambes un peu de poussière noirâtre. Je me dis que la terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumée. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de bonheur. Clove va vers la porte. Clove s'arrête. Clove repart. C'est ce que nous appelons gagner la sortie. Je te remercie, Clove. Ah, pardon. C'est moi qui te remercie. C'est nous qui nous remercions. Clove va à la porte. Encore une chose. S'arrête. Une dernière grâce. Clove sort. Cache-moi sous le drap. Non? Bon. À moi de jouer. Oh, vieille fin de partie perdue. Finir de perdre. Voyons. Ah oui. Ham essaie de déplacer le fauteuil en prenant appui sur la gaffe. Pendant ce temps, entre Clove. Panama, veston de tweed, imperméable sur le bras, parapluie, valise. Près de la porte, impassible, les yeux fixés sur Ham, Clove reste immobile jusqu'à la fin. Bon. Jeter. Il jette la gaffe, veut jeter le chien, se ravise. Pas plus haut que le cul. Et puis, enlever. Il enlève sa calotte. Paix à nos fesses. Et remettre. Il remet sa calotte. Égalité. Il enlève ses lunettes. Essuyer. Il sort son mouchoir, essuie ses lunettes. Et remettre. Il remet le mouchoir et les lunettes. On arrive. Encore quelques conneries comme ça et j'appelle. Un peu de poésie. Tu appelais. Tu réclamais. Le soir, il vient. Il descend, le voici. Tu réclamais le soir. Il descend, le voici. Joli, ça. Et puis, instant nul, toujours nul, mais qui font le compte que le compte y est, et l'histoire close. S'il pouvait avoir son petit avec lui, c'était l'instant que j'attendais. Vous ne voulez pas l'abandonner, vous voulez qu'il grandisse pendant que vous vous rapetissez. Qu'il vous adoucisse les 100 000 derniers quarts d'heure. Lui, il ne se rend pas compte, il ne connaît que la faim, le froid et la mort au bout. Mais vous, vous devez savoir ce que c'est la terre à présent. Oh, oh, oh, oh, je l'ai mis devant ses responsabilités. Eh bien, ça y est. J'y suis. Ça suffit. Il lève le sifflet, hésite. Oui. Vraiment. Il siffle. Bon. Père. Père. Bon. On arrive. Et pour terminer, jetez. Il jette le chien. Tenez. Jette le sifflet. Clove. Clove. Non. Bon. Il sort son mouchoir. Puisque ça se joue comme ça. Il déplie le mouchoir. Jouons ça comme ça. Il déplie. Et n'en parlons plus. Il finit de déplier. Ne parlons plus. Il tient le mouchoir ouvert devant lui. Vieux linge. Toi, je te garde. Il ramène le mouchoir vers lui, s'en couvre le visage, laisse retomber les bras sur les accoudoirs et ne bouge plus. Rideau. Dans Beckett, évidemment, il y a une certaine cruauté, mais que les gens évitent généralement. Moi, je n'ai jamais essayé d'éviter la cruauté chez Beckett, parce qu'elle existe, vraiment. Pour Beckett, comme ses romans, c'est un constat. Constat de l'horreur de vivre. Mais, tout de même, le moindre sentiment de dignité veut que on ne se lamente pas, et qu'on ne pleure pas, qu'on ne chiale pas, mais que on rit de sa propre misère. C'est la seule élégance que l'homme puisse permettre. Tout de même, il y a dans les recoins des petites choses qui peuvent exister. La tendresse, par exemple, n'est-ce pas? Et il est certain qu'il y a une espèce de tendresse très trouble, toujours, entre les personnages. Et puis, je crois que ces personnages sont assez infantiles. Il n'y a pas un personnage adulte dans l'œuvre de Beckett. Les personnages de Beckett sont immatures, comme dit Gombrowicz. Je crois que c'est le secret du théâtre de Beckett. On ne peut pas monter Beckett comme Molière. Il faut qu'il y ait une part de dérision, infantile. Même chez Pozzo, même chez Ham, il y a un jeu féroce, le côté ludique que les adultes n'ont plus. Samuel Beckett, Tous ceux qui tombent, pièce radiophonique, 1957, avec Roger Blin, Raymond. Réalisation, Alain Truta, 1958. Tu n'es pas bien ? Une fois pour toutes, ne me demande pas de parler et d'avancer en même temps. Je ne te le redirai plus dans cette vie. Tu n'es pas... Finissons-en avec ce précipice. Mets ton bras autour de moi. Tu as encore bu ? Tremble comme une feuille. Vas-tu pouvoir me guider? On va tomber dans le fossé. Oh, Dan. Ce sera comme autrefois. Ressaisis-toi ou j'envoie chercher le fiacre. Alors, au lieu d'avoir économisé 6 pence... Non, 5. Nous en aurons perdu... 3 x 5, 6, et non plus 1, et 9 plus 3, et 9, et 1, 10, et 3, et 2, 1, et 2, 1, Nous aurons dilapidé la somme de 2 shillings et 1 penny.

et à la cime une maigre touffe de palmes qui projette une ombre légère. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit l'arbre, réfléchit, va vers l'arbre, s'assied à l'ombre, regarde ses mains. Des ciseaux de tailleur descendent des cintres, s'immobilisent devant l'arbre à un mètre du sol. Il regarde toujours ses mains. Coup de sifflet en haut. Il lève la tête, voit les ciseaux, réfléchit, les prend et commence à se tailler les ongles. Les palmes se rabattent contre le tronc, l'ombre disparaît. Il lâche les ciseaux, réfléchit. Une petite carafe, munie d'une grande étiquette rigide portant l'inscription « Eau », descend les cintres, s'immobilise à 3 mètres du sol. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il lève les yeux, voit la carafe, réfléchit, se lève, va sous la carafe, essaie en vain de l'atteindre, se détourne, réfléchit. Un grand cube descend les cintres, atterrit. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit le cube, le regarde, regarde la carafe, prend le cube, le place sous la carafe, en éprouve la stabilité, monte dessus, essaie en vain d'atteindre la carafe, descend, rapporte le cube à sa place, se détourne, réfléchit. Un second cube plus petit descend des cintres, atterrit. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit le second cube, le regarde, le place sous la carafe, en éprouve la stabilité, monte dessus, essaie en vain d'atteindre la carafe, descend, veut rapporter le cube à sa place, se ravise, le dépose, va chercher le grand cube, le place sur le petit, en éprouve la stabilité, monte dessus, le grand cube glisse, il tombe, se relève aussitôt, ses poussettes, réfléchit. Il prend le petit cube, le place sur le grand, en éprouve la stabilité, monte dessus, et va atteindre la carafe lorsque celle-ci remonte légèrement et s'immobilise hors d'atteinte. Il descend, réfléchit, rapporte les cubes à leur place, l'un après l'autre, se détourne, réfléchit. Un troisième cube, encore plus petit, descend des cintres, atterrit. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit le troisième cube, le regarde, réfléchit, se détourne, réfléchit. Le troisième cube remonte et disparaît dans les cintres. À côté de la carafe, une corde à nœud descend les cintres, s'immobilise à 1 mètre du sol. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit la corde, réfléchit, monte à la corde et va atteindre la carafe lorsque la corde se détend et le ramène au sol. Il se détourne, réfléchit, cherche des yeux les ciseaux, les voit, va les ramasser, retourne vers la corde et entreprend de la couper. La corde se tend, le soulève, il s'accroche, achève de couper la corde, retombe, lâche les ciseaux, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes, réfléchit. La corde remonte vivement et disparaît dans les cintres. Avec son bout de corde, il fait un lasso dont il se sert pour essayer d'attraper la carafe. La carafe remonte vivement et disparaît dans les cintres. Il se détourne, réfléchit. Lasso en main, il va vers l'arbre, regarde la branche, se retourne, regarde les cubes, regarde de nouveau la branche, lâche le lasso, va vers les cubes, prend le petit et le porte sous la branche, retourne prendre le grand et le porte sous la branche, veut placer le grand sur le petit, se ravise, place le petit sur le grand, en éprouve la stabilité, regarde la branche, se détourne et se baisse pour reprendre le lasso. La branche se rabat le long du tronc. Il se redresse, le lasso à la main, se retourne, constate. Il se détourne, réfléchit. Il rapporte les cubes à leur place, l'un après l'autre, enroule soigneusement le lasso et le pose sur le petit cube. Il se détourne, réfléchit. Coup de sifflet, coulisse droite. Il réfléchit, sort à droite. Rejeté aussitôt en scène, il trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes, réfléchit. Coup de sifflet, coulisse gauche. Il ne bouge pas. Il regarde ses mains, cherche des yeux les ciseaux, les voit, va les ramasser, commence à se tailler les ongles, s'arrête, réfléchit, passe le doigt sur la lame des ciseaux, l'essuie avec son mouchoir, va poser ciseaux et mouchoir sur le petit cube, se détourne, ouvre son col, dégage son cou et le palpe. Le petit cube remonte et disparaît dans les cintres, emportant lasso, ciseaux et mouchoir. Il se retourne pour reprendre les ciseaux, constate, s'assied sur le grand cube. Le grand cube s'ébranle, le jetant par terre, remonte et disparaît dans les cintres. Il reste allongé sur le flanc, face à la salle, le regard fixe. La carafe descend, s'immobilise à un demi-mètre de son corps. Il ne bouge pas. Coup de sifflet en haut, il ne bouge pas. La carafe descend encore, se balance autour de son visage. Il ne bouge pas. La carafe remonte et disparaît dans les cintres. La branche de l'arbre se relève, les palmes se rouvrent, l'ombre revient. Coup de sifflet en haut, il ne bouge pas. L'arbre remonte et disparaît dans les cintres. Il regarde ses mains. Rideau. Samuel Beckett, la dernière bande. J'en avais marre un peu de tous les vieux contes de Beckett que j'avais joués. Je voulais un peu de répit. Peut-être que Beckett m'en a voulu. En tout cas, il m'a battu froid pendant un an ou deux, jusqu'à ce qu'il m'apporte haut les beaux jours. Il disait à nos amis communs, « Roger et moi, on est comme des œufs, on ne sait pas comment se prendre. » Samuel Beckett, la dernière bande. 1960, avec R.J. Chauffard. Il y a encore une réduction du nombre des personnages. Il n'y a plus qu'un personnage confronté avec lui-même. Et c'est un homme, un vieillard aussi, presque aveugle, et qui marche aussi difficilement, qui est confronté avec sa propre voix, avec un magnétophone. Et cet homme ne se reconnaît absolument plus dans cette voix qui lui arrive du fond des âges et qui lui raconte des histoires, une histoire d'amour et différentes choses. Il l'accompagne souvent d'un ricanement, l'audition de sa propre voix dans le passé. Juste, il peut tirer de toute une vie, peut-être quelques instants d'un bonheur réel auquel il s'accroche. C'est une promenade en barque avec une fille. Et il n'a de cesse qu'il remonte, n'est-ce pas, sa bande, jusqu'à retrouver deux fois, trois fois, et il se repasse avec ravissement le récit de cet instant privilégié. Et elle a fait oui sans ouvrir les yeux. Je lui ai demandé de me regarder, et après quelques instants, elle l'a fait. Mais les yeux comme des fentes, à cause du soleil. Je me suis penché sur elle pour qu'il soit dans l'ombre, et ils se sont ouverts, m'ont laissé entrer. Nous dérivions parmi les roseaux, et la barque s'est coincée. Comme il se pliait avec un soupir devant la proue, je me suis coulé sur elle, mon visage dans ses seins et ma main sur elle. Nous restions là, couchés, sans remuer. Mais sous nous, tout remuait, et nous remuait, doucement, de haut en bas, et d'un côté à l'autre. Passé minuit, jamais entendu pareil silence. La terre pourrait être inhabitée. Ici, je termine cette bande. Boîte 3, bobine 5. Peut-être que mes meilleures années sont passées, quand il y avait encore une chance de bonheur. Mais je n'en voudrais plus. Plus maintenant que j'ai ce feu en moi. Non, je n'en voudrais plus. Crap. Demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. La bande continue à se dérouler en silence. Rideau. Elle. Je suis venu pour écouter. Lui, quand vous voudrez. Esquisse radiophonique. Elle. C'est vrai que ça joue tout le temps. Lui, oui. Elle, sans arrêt. Lui, sans arrêt. C'est inconcevable. Et ça parle tout le temps. Tout le temps. Sans arrêt. Oui. Elle, c'est inimaginable. Vous êtes donc là tout le temps. Lui, sans arrêt. Elle, vous avez l'air bien inquiet. Attends, peut-on les voir? Lui, non, madame. Elle, je ne peux pas aller les voir. Lui, non, madame. Elle, vous êtes froid. C'est ces deux boutons-là? Oui. Qu'à appuyer? C'est en direct? Lui. Mais bien entendu, madame. Non, il faut tourner. À droite. Déclic. Musique. Silence. Elle. Mais ils sont plusieurs. Lui, oui. Elle, combien? Lui, 5, 6. À droite, madame, à droite. Déclic. Voix. Elle. On ne peut pas avoir plus fort. Voix plus fort. Silence. Elle. Mais il est seul? Lui, oui. Tout seul. Quand on est seul, on est tout seul. Attends. Elle. Qu'est-ce que ça donne ensemble? Lui. À droite, madame. Déclic. Musique très brève. Puis, musique, voix, ensemble. Silence. Elle. Ils ne sont pas ensemble? Lui. Non. Elle. Ils ne peuvent pas s'entendre? Lui. Non. Ça, par exemple. À droite, madame. Déclic. Voix. Elle. Moins fort. Voix moins fort. Silence. Elle. Ça vous plaît, à vous? Attends. Lui. J'en ai besoin. Besoin de ça? Lui. C'est devenu un besoin. À droite, madame. Déclic, musique. Elle avec la musique. Plus fort. Musique, plus fort. Silence. Elle. Ça aussi? Besoin de ça aussi? Lui. C'est devenu un besoin, madame. Elle. Ils sont dans la même situation? Lui. Ne comprend pas. Elle. Sont-ils soumis aux mêmes conditions? Oui, madame. Par exemple. Par exemple. On ne peut pas les décrire, madame. Elle. Eh bien, je vous remercie. Samuel Beckett, Esquisse radiophonique, 1962-1963. Roger Blin, ACR, 1977. Samuel Beckett, Oh les beaux jours, 1963. Odéon Théâtre de France. Mise en scène, Roger Blin. Avec Madeleine Renaud. Oh les beaux jours est une pièce qui, à première vue, se situe dans la trajectoire beckettienne d'un enfoncement de plus en plus grand vers le désespoir et la négation. Le personnage principal, qui est une femme, est enfoui dans la terre jusqu'à mi-corps. Et dans un trou, derrière elle, il y a son mari. Cette femme est évidemment dans une espèce de situation analogue au vieillard dans la poubelle qui était hors du temps, déjà qui avait dépassé la souffrance. Mais elle est à mi-chemin. Elle poursuit avec son mari, qui est derrière elle enfoui, une conversation, ou plutôt un grand monologue, ponctué d'appels. Ah oui! Si seulement je pouvais supporter d'être seule. Je veux dire d'y aller de mon babil, sans me préoccuper d'âmes qui vivent. Enfin, non pas que je me fasse des illusions. Tu n'entends pas grand-chose, Willy, à Dieu te plaise. Des jours, peut-être, où tu n'entends rien. Mais d'autres, où tu réponds. De sorte que je peux me dire à chaque moment, même lorsque tu ne réponds pas et n'entends peut-être rien. Winnie, il est des moments où tu te fais entendre. Tu ne parles pas toute seule, tout à fait. C'est-à-dire, dans le désert. Chose que je n'ai jamais pu supporter. À la longue. C'est ce qui me permet de continuer, enfin, de continuer à parler, s'entend. Tandis que si tu venais à mourir, le vieux style, ou à t'en aller en m'abandonnant, qu'est-ce que je ferais alors? Qu'est-ce que je pourrais bien faire toute la journée? Je veux dire, depuis le moment où ça sonne pour le réveil, jusqu'au moment où ça sonne pour le sommeil. Simplement regarder droit devant moi, les lèvres rentrées. J'ai insisté beaucoup pendant le travail de répétition sur la ponctuation du texte. Les textes de Beckett sont truffés de points et les points donnent le sens. Oh, le beau jour encore que ça aura été. Oh, le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Après tout. Jusqu'ici. Dans un ordre précis, les phrases vont de la joie à une moindre joie, puis plus rien. Si on ne tient pas compte de ça, au profit d'un naturel de merde, on ne peut pas jouer Beckett. Samuel Beckett, Bing, 1967. Roger Blin, ACR. 1978. Tout su, tout blanc, corps nu, blanc, un mètre, jambes collées comme cousues. Lumière, chaleur, sol blanc, un mètre carré, jamais vu. Mur blanc, un mètre sur deux. Plafond blanc, un mètre carré, jamais vu. Corps nu, blanc, fixe, seuls les yeux à peine. Traces fouillis, gris pâle, presque blanc sur blanc. Main pendue, ouverte, creux, face, pied, blanc, talon, joint, angle droit. Lumière, chaleur, face blanche, rayonnante. Corps nu, blanc, fixe, hop, fixe ailleurs. Trace, fouillis, signe, sans sens, gris pâle, presque blanc. Corps nu, blanc, fixe, invisible, blanc sur blanc. Seuls les yeux à peine bleu pâle, presque blanc. Tête, boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc, fixe, face, silence, dedans. Bref murmure, à peine, presque jamais tous su. Trace, fouillis, signe, sans sens, gris pâle, presque blanc sur blanc. Jambes collées comme cousues, talons joints, angle droit. Trace, seul, inachevé, donné noir, gris pâle, presque blanc sur blanc. Lumière, chaleur, mur blanc rayonnant, un mètre sur deux. Corps nu, blanc, fixe, un mètre, hop, fixe ailleurs. Trace, fouillis, signe sans sens, gris pâle, presque blanc. Pied blanc, invisible, talon joint, angle droit. Yeux, seul, inachevé, donné, bleu, bleu pâle, presque blanc. Murmure, à peine, presque jamais une seconde, peut-être pas seul. Donné, rose à peine, corps nu, blanc, fixe, un mètre blanc sur le blanc, invisible. Lumière, chaleur, murmure à peine, presque jamais, toujours les mêmes, tous su. Main blanche, invisible, pendue, ouverte, creux, face. Corps nu, blanc, fixe, un mètre, hop, fixe ailleurs. Seuls les yeux, à peine bleu pâle, presque blanc, fixe face. Murmure, à peine, presque jamais, une seconde, peut-être une issue. Tête, boule bien haute, yeux bleus, pâles, presque blancs. Bing, murmure, bing, silence. Bouche comme cousue, fil blanc, invisible. Bing, peut-être une nature, une seconde, presque jamais ça, de mémoire, presque jamais. Mur blanc, chacun sa trace, fouillis, signe sans sens, gris, pâle, presque blanc. Lumière, chaleur, tout su, tout blanc, invisible rencontre des faces. Bing, murmure à peine, presque jamais, une seconde, peut-être, un sens, ça de mémoire, presque jamais. Pied blanc, invisible, talon joint, angle droit, hop, ailleurs, sans son. Main pendue, ouverte, creux, face, jambes collées comme cousues. Tête, boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc, fixe, face, silence, dedans. Hop, ailleurs, ou, de tout temps, sinon, su que non. Seuls les yeux, seuls inachevés, donné bleu, trou bleu pâle, presque blanc, seule couleur, fixe, face. Tout su, tout blanc, face blanche, rayonnante, bing, murmure à peine, presque jamais, une seconde, temps sidéral, ça, de mémoire, presque jamais. Corps nu, blanc, fixe, un mètre, hop, fixe ailleurs, blanc sur blanc, invisible, cœur, souffle sans son. Seul, les yeux donnés, bleu, bleu pâle, presque blanc, fixe face, seule couleur, seul, inachevé. Invisible rencontre, des faces. Une seule rayonnante, blanche, à l'infini, sinon, su que non. Nez, oreille, trou blanc, bouche, fil blanc, comme cousu, invisible. Bing, murmure, à peine, presque jamais, une seconde, toujours les mêmes, tous su. Donné, rose, à peine, corps, nu, blanc, fixe, invisible, tout su, dehors, dedans. Bing, peut-être une nature, une seconde, avec image, même temps, un peu moins bleu et blanc au vent. Plafond blanc, rayonnant un mètre carré, jamais vu, bing, peut-être par là une issue, une seconde, bing, silence. Trace, seule, inachevée, donnée noire, fouillis, gris, signe, sans sens, gris, pâle, presque blanc, toujours les mêmes. Bing, peut-être pas seul, une seconde, avec image, toujours la même, même temps, un peu moins, ça de mémoire, presque jamais. Bing, silence. Tombé rose à peine, ongle blanc achevé. Long cheveu tombé blanc, invisible, achevé. Invisible cicatrice, même blanc que les chairs blessées, rose à peine jadis. Bing, image à peine, presque jamais, une seconde, temps sidéral, bleu et blanc au vent. Tête boule bien haute, nez, oreille, trou, blanc, bouche, fil, blanc, comme cousu, invisible, achevé. Seuls les yeux donnés, bleu, fixe, face, bleu, pâle, presque blanc, seule couleur, seul, inachevé. Lumière, chaleur, face blanche, rayonnante, une seule rayonnante, blanche à l'infini, sinon su que non. Une nature à peine, presque jamais, une seconde avec image, même temps, un peu moins, toujours le même bleu et blanc au vent. Trace, fouillis, gris pâle, yeux, trou, bleu, pâle, presque blanc, fixe, face, bing, peut-être un sens à peine, presque jamais, bing, silence. Blanc, nu, un mètre, fixe, hop, fixe, ailleurs, sans son. Jambes collées comme cousues, talons joints, angle droit, main pendue, ouverte, creux, face. Tête, boule bien haute, yeux, trou bleu pâle, presque blanc, fixe, face, silence, dedans. Hop, ailleurs, ou de tout temps, sinon su que non. Bing, peut-être pas seul, une seconde, avec image, même temps. Un peu moins, œil noir et blanc, mi-clos. Longs cils, suppliants, ça de mémoire, presque jamais. Au loin, éclair tout blanc, achevé, tout jadis. Hop, éclair, mur blanc rayonnant, sans trace, yeux, couleur dernière. Hop, blanc, achevé. Hop, fixe. Dernier, ailleurs, jambes collées, comme cousues, talons, joints, angle droit, main pendue, ouverte, creux, face, tête, boule, bien haute, yeux blancs, invisible, fixe, face, achevé. Donné rose à peine, un mètre invisible, nu, blanc, tout su dehors, dedans, achevé. Plafond, blanc, jamais vu, bing, jadis, à peine, presque jamais, une seconde, sol blanc, jamais vu, peut-être par là, bing, jadis, à peine, peut-être, un sens, une nature, une seconde, presque, jamais bleu et blanc, au vent, ça, de mémoire, plus jamais, face blanche, sans trace, une seule rayonnante blanche à l'infini, sinon su que non. Lumière, chaleur, tout su, tout blanc. Cœur, souffle, sans son. Tête, boule, bien haute. Yeux blancs, fixe, face, vieux, ping. Murmure, dernier, peut-être, pas seul. Une seconde, œil en but, noir et blanc, mi-clos, longs cils, suppliant, bing, silence, hop, achevé. Samuel Beckett, Cendre, pièce radiophonique, 1959, avec Roger Blin, Delphine Seyrig. Réalisation Jean-Jacques Vierne, 1966. Avance. Halte. Halte. Assis. Assis. À côté de moi aujourd'hui. Un vieil aveugle à moitié louf. Mon père, revenu d'entre les morts pour être à côté de moi. Comme s'il n'était pas mort. Non, revenu d'entre les morts pas plus. Pour être à côté de moi. Dans ce lieu étrange. Est-ce qu'il m'entend? Oui, il faut qu'il m'entende. Pour pouvoir répondre? Non, il ne répond pas. À côté de moi, pas plus. Ce bruit qu'on entend, c'est la mer. Je dis que ce bruit qu'on entend, c'est la mer. Nous sommes assis sur la grève. J'aime autant le dire parce que le bruit est si étrange. Ça ressemble si peu au bruit de la mer qu'à moins de voir ce que c'est, on ne saurait pas ce que c'est. Sabot ! Sabot ! Encore ! Le dresser a marqué le pas. Le ferrer avec de l'acier et l'attacher dans la cour qu'il piétine du matin au soir. Un mammouth de 10 tonnes revenu d'entre les morts. Le ferrer avec de l'acier qu'il mette le monde en miettes. Écoute-moi ça. On dirait quoi? Bon. Maintenant, écoute la lumière. Ta chère lumière. Midi passé à peine et tout le rivage dans l'ombre déjà. Et la mer jusqu'à l'île. Tu n'as jamais voulu vivre de ce côté de la baie. Il te fallait le soleil sur la mer le soir quand tu allais nager. Tu as vu ce que ça donne. Mais moi, quand j'ai eu ton argent, j'ai traversé. Tu l'as su peut-être. On n'a jamais retrouvé ton corps, tu sais. Ça a tout bloqué. Pas un radis pendant des années. Soi-disant que tu nous avais peut-être tous plaqués, jusqu'à preuve du contraire, et te portais comme un charme au Pérou, par exemple. Ça a fait beaucoup de peine à maman. Là-dessus, je tiens de toi. Je ne peux pas m'en éloigner. Mais nager, ça non, plus jamais. La dernière fois, c'était avec toi. Juste au bord, pas plus. Aujourd'hui, elle est calme. Mais souvent, je l'entends là-haut chez moi, quand je me promène dans la campagne et commence à parler. Oh, juste assez haut pour ne plus l'entendre. Personne n'y fait attention. C'est-à-dire que je parle tout le temps à présent, tout le temps et partout. Une fois, je suis parti en Suisse pour ne plus l'entendre, la salope. Et là-bas, j'ai parlé sans m'arrêter tout le temps. Autrefois, je n'avais besoin de personne. Tout seul, ça allait. Des histoires, il y en avait une fameuse sur un vieux. Bolton, qu'il s'appelait. Je ne l'ai jamais fini. Jamais fini aucune. Jamais fini rien. Tout a toujours duré toujours. Bolton. Bolton. Là, devant le feu. Devant le feu, tous les volets. Non, rideaux. Tous les rideaux fermés. Et la lumière, pas de lumière, que la lumière du feu, assis là dans le... Non, debout, debout là devant la cheminée, dans le noir, devant le feu, les bras sur le marbre, la tête sur les bras. Debout là dans le noir, devant le feu, dans sa vieille robe de chambre écarlate. Et la maison silencieuse, aucun bruit d'aucune sorte, que le bruit du feu. Il attend. Debout, là, dans sa vieille robe de chambre écarlate, qui pouvait s'enflammer à tout instant, comme lorsqu'il était petit. Non, là, c'était son pyjama. Debout, là, dans le noir, devant le feu, aucune lumière que la lumière du feu, aucun bruit d'aucune sorte que le feu. Un vieillard, grande détresse, il attend. Soudain, on sonne. Il va à la fenêtre et regarde dehors entre les rideaux. Beau vieillard, un roc, nuit d'hiver très claire, de la neige partout, froid à pierre fendre, monde tout blanc, branche du cèdre ployant sous le poids. et au moment où le bras se relève pour sonner une seconde fois, reconnaît Holloway. Oui, Holloway. Reconnaît Holloway. Descend ouvrir. Dehors, le silence, pas un bruit. La chaîne du chien peut-être, ou une branche qui gêne, si on reste là à écouter. Monde tout blanc. Holloway, avec sa petite trousse noire. Pas un bruit. Froid à pierre fendre. Pleine lune, petite et blanche. Empreinte en zigzag des galoches de Holloway. Vega dans la lyre, vert vif. Dans la lyre, vert vif. Conversation suivante, enfin sur le pas de la porte. Non, dans la pièce. Conversation suivante, retour dans la pièce. Holloway. Mon cher Bolton, il est déjà minuit passé. Si tu veux avoir l'obligeance, ne va pas plus loin. Bolton. Je t'en prie. Je t'en prie. Là, silence de mort. Pas un bruit que le feu du boulet uniquement. Il baisse. Holloway devant, qui essaie de se chauffer le cul. Bolton? Où est Bolton? Pas de lumière que le feu. Bolton à la fenêtre, dos au rideau. Il les écarte à bout de bras, regarde dehors. Monde tout blanc, même le clocher. Blanc jusqu'au coq, très rare. Maison silencieuse, pas un bruit que le feu. Plus de flammes. Que des cendres. Que des cendres. Ça bouge, glisse, sournois. Bruit affreux. Holloway devant. Beau vieillard. 1m80. Massif, jambes écartées. Main dans le dos qui écarte les basques de son vieux McFarlane. Bolton à la fenêtre. Grande allure dans sa vieille robe de chambre écarlate. Dos au rideau. Il les tient écartés à bout de bras. Regarde dehors. Monde tout blanc. Grande détresse, pas un bruit que les cendres. Braise qui meurt. Ce bruit-là, c'est lueur. Holloway. Bolton. Bolton. Holloway. Deux vieillards. Grande détresse. Monde tout blanc. Pas un bruit. Écoute-moi ça. Ferme les yeux. Écoute-moi ça. On dirait quoi? Une goutte. Une goutte. Encore. Non. Père. Des histoires, des années d'histoire. Tout seul, ça allait, puis le besoin soudain d'un autre à côté de moi. N'importe qui, un étranger à qui parler. Imaginez qu'il m'entend, des années de ça. Puis maintenant, d'un autre qui m'aurait connu autrefois. N'importe qui à côté de moi. Imaginez qu'il m'entend, ce que je suis devenu. Pas ça non plus. Pas là non plus. Essayez encore. Monde tout blanc, pas un bruit. Holloway. Holloway dit qu'il s'en va. On va pas traînailler toute la nuit devant un feu mort, foutre long, ça le dépasse. Appeler quelqu'un, un vieil ami, le faire venir dans la neige et le noir, un vieil ami d'urgence, la trousse surtout, surtout ne pas oublier la trousse. Puis, pas un mot, pas d'explication, pas de chauffage, pas d'éclairage. Bolton, je t'en prie, je t'en prie. Holloway, pas le moindre verre. Pas le moindre accueil. Transi jusqu'à la moelle, à attraper la crève. Ça le dépasse. Drôle demeure, un vieil ami. Dit qu'il s'en va, bouge pas, pas un bruit. Feu qui meurt, rayon de lune. Tout ça d'un macabre. Maudit Dieu d'être venu, pas ça non plus. Feu mort, froid à cœur fendre, grande détresse. Monde tout blanc, pas un bruit. Pas ça non plus. Écoute-moi ça. Père! Tu ne me reconnaîtrais plus. Te maudirais de m'avoir fait, espèce d'avorton. Et ça de ton vivant déjà, tes derniers mots pour moi, espèce d'avorton. Tu viens nager? Non. Viens, viens! Non. Regard assassin, demi-tour, trois enjambées, demi-tour, regard assassin. Espèce d'avorton! Exit. Encore! Sortir de la vie comme ça. Avorton. Dommage que non. Tu n'as jamais connu Ada, n'est-ce pas? Oui? Non? Me rappelle plus, peu importe. Personne ne la reconnaîtrait plus. Qu'est-ce qu'il a dressé contre moi, à ton avis? L'enfant, sans doute. Petit monstre. Jamais dû la faire, foutre non. Quand je la promenais dans les champs, ça, c'était quelque chose. Folle envie de parler. Et elle qui se cramponnait à ma main. Vas-y, Adi. Va voir là-bas les jolis petits agneaux. Non, papa. Vas-y, vas-y. Non, papa. Vas-y, fais ce qu'on te dit. Là-bas, les agneaux. Allez, fous le camp. Ah. Et Ada. Causer avec elle. Ça, c'était quelque chose. Ce sera ça, l'enfer. Les bavardages au murmure du l'été, sur le bon vieux temps où on crevait d'envie d'être mort. Le prix de la margarine il y a 50 ans. Et aujourd'hui, le prix de l'Astra aujourd'hui. Père? Marre de causer avec toi. C'était toujours ça, nos balades dans la montagne. Parler, parler sans m'arrêter, puis bouche cousue. Retour la mort dans l'âme et pas un mot à personne pendant des semaines. Petit monstre maussade. Fallait crever. Fallait crever. Ada? Ada! Oui. Il y a longtemps que tu es là? Il y a un certain temps. Continue, t'occupe pas. Veux-tu que je m'en aille? Où est Adi? Avec son maître de musique. Tu vas répondre aujourd'hui? Les cailloux sont froids, tu as tort de t'asseoir dessus. C'est mauvais pour tes tumeurs. Soulève-toi que je glisse mon châle. C'est mieux comme ça? Aucun rapport, aucun rapport. Tu vas t'asseoir à côté de moi? Oui. Comme ça? Ou tu aimes mieux comme ça? Tu n'as pas de préférence. Plutôt frais, j'imagine. J'espère que tu as mis ta flanelle. As-tu mis ta flanelle, Henri? Voilà ce qui s'est passé. Je l'ai mise, puis je l'ai enlevée, puis je l'ai remise, puis je l'ai renlevée, puis je l'ai remise, puis... Tu l'as en ce moment? Je ne sais pas. Sabot! Sabot! Encore ? Tu as pu les entendre ? Mal. Au galop ? Non. Un cheval pourrait-il marquer le pas ? Je ne sais pas si je saisis. Pourrait-on dresser un cheval à rester sur place en marquant le pas des quatre fers ? Oh ! Ceux que je jouais gagnants le faisaient tous. Ris, Henri. Ce n'est pas tous les ans que j'ai le mot pour rire. Tu veux que je rie ? Tu riais autrefois. Un rire charmant. C'est ce qui m'avait attiré au début. Il me semble. Ça est ton sourire. Allez, on se croira revenu au jour d'or. J'aurais peut-être dû commencer par le sourire. Ça t'a attiré. Maintenant, tu vas voir. Un reste de vieux charme. Oh, Henri. Écoute-moi ça. Suceuse, griffeuse. Foutre le camp, hors d'atteinte. Les pampas. Quoi ? Du calme. Et il vécut au bord. Pourquoi ? Obligation professionnelle ? Raison de santé, lien de famille, une femme, fidélité à quelques vieilles tombes. Écoute-moi ça. On dirait quoi ? On dirait un vieux bruit entendu autrefois. On dirait d'autres temps, au même lieu. Elle était en furie. L'écume nous éclaboussait. En furie, alors. Et calme aujourd'hui. Étrange. Allons-nous-en. Samuel Beckett, Compagnie, 1980. Roger Blin, ACR, 1982. Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui, le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux, et encore quand il les referme. Seul peut se vérifier une infime partie de ce qui se dit. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu es sur le dos dans le noir ». Là, il ne peut qu'admettre ce qui se dit. Mais de loin, la majeure partie de ce qui se dit ne peut se vérifier. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu vis le jour tel et tel jour ». Il arrive que les deux se combinent, comme par exemple « Tu vis le jour tel et tel jour, et maintenant tu es sur le dos dans le noir. Stratagème peut-être visant à faire rejaillir sur l'un l'irréfutabilité de l'autre. Voilà donc la proposition. À quelqu'un sur le dos dans le noir, une voix égrène un passé. Question aussi par moments d'un présent, et plus rarement d'un avenir. Comme par exemple, tu finiras tel que tu es. Et dans un autre noir, ou dans la même un autre. imaginant le tout pour se tenir compagnie. Vite, motus. L'emploi de la deuxième personne est le fait de la voix. Celui de la troisième, celui de l'autre. Si lui pouvait parler à qui et de qui parle la voix, il y aurait une troisième. Mais il ne le peut pas. Il ne le fera pas. Tu ne le peux pas. Tu ne le feras pas. À part la voix et le faible bruit de son souffle, nul bruit, du moins qu'il puisse entendre. Le faible bruit de son souffle le lui dit. Quoique maintenant, moins que jamais porté sur les questions, il ne peut parfois que se poser celle de savoir si c'est bien à lui et de lui que parle la voix. Ne surprendrait-il pas une communication destinée à un autre? S'il est seul sur le dos et dans le noir, pourquoi la voix ne le dit-elle pas? Pourquoi ne dit-elle jamais, par exemple, « Tu vis le jour tel et tel jour, et maintenant tu es seul sur le dos dans le noir ?» Pourquoi? Peut-être à seule fin de faire naître dans son esprit ce vague sentiment d'incertitude et de gêne. Ton esprit de tout temps plus actif l'est maintenant moins que jamais. C'est là le genre d'assertion qu'il admet volontiers. Tu es né tel et tel jour, et ton esprit de tout temps plus actif n'est maintenant moins que jamais. Il faut cependant comme contribution à la compagnie une certaine activité d'esprit, si faible soit-elle. C'est pourquoi la voix ne dit pas « Tu es sur le dos dans le noir et ton esprit n'a aucune activité d'aucune sorte. » La voix à elle seule tient compagnie, mais insuffisamment. Son effet sur l'entendeur est un complément nécessaire, ne serait-ce que sous la forme du vague sentiment d'incertitude et de gêne suspensionné. Mais même mis à part la question de compagnie, il est évident qu'un tel effet s'impose. Car s'il devait seulement entendre la voix, et qu'elle n'ait pas plus d'effet sur lui qu'une parole en bantou ou en lerse, ne ferait-elle pas aussi bien de se taire? À moins qu'elle ne vise, en tant que bruit à l'état pur, à mettre au supplice un affamé de silence. Ou, évidemment, comme précédemment conjecturé, qu'elle ne soit destinée à un autre. Petit garçon, tu sors de la boucherie charcuterie Connolly, en tenant la main de ta mère. Vous prenez à droite et avancez en silence sur la grande route vers le sud. Au bout d'une centaine de pas, vous virez vers l'intérieur et entamez la longue montée menant à la maison. Vous progressez en silence dans l'air tiède et calme de l'été. Il est tard dans l'après-midi et au bout d'une centaine de pas, le soleil apparaît au-dessus de la crête. Levant les yeux au ciel d'azur et ensuite au visage de ta mère, tu romps le silence en lui demandant s'il n'est pas en réalité beaucoup plus éloigné qu'il en a l'air. Le ciel s'entend. Le ciel d'azur. Ne recevant pas de réponse, tu reformules mentalement ta question, et une centaine de pas plus loin, lève à nouveau les yeux à son visage et lui demande s'il n'a pas l'air beaucoup moins éloigné qu'il ne l'est en réalité. Pour une raison que tu n'as jamais pu t'expliquer, cette question dut l'exaspérer, car elle envoya valser ta petite main et te fit une réponse blessante, inoubliable. Si ce n'est pas à lui que parle la voix, c'est forcément à un autre. Ainsi, avec ce qui lui reste de raison, il raisonne. À un autre de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore. À un autre de cet autre, ou de lui, ou d'un autre encore. À quelqu'un sur le dos dans le noir, en tout cas. De quelqu'un sur le dos dans le noir... Samuel Beckett, Compagnie, 1980. Roger Blin. ACR, Atelier de création radiophonique. Fragment, Roger Blin. Deuxième partie, Blin, Beckett. Par René Farabé, Ida Guilbeault.